paroles pleines d'appât, redites la Phyllis que je n'en doute pas. Je ne croyais pas que ma fille fût si habile que de chanter ainsi à livre ouvert sans hésiter. Mais Phyllis, une pensée vient troubler ce doux transport. Un rival, un rival. Ah, je l'aurai plus que l'amant. Mais un père à ses voeux vous veut assujettir. Plutôt mourir que de jamais y consentir. Plutôt mourir. Plutôt mourir. Et que dit le père à tout cela? Il ne dit rien. Voilà un sot père que ce père-là de souffrir toutes ces sottises-là sans rien dire. Ah, mon amour! Ah non, non, non, voilà, cette comédie-là est de fort mauvais exemple. Le berger Tircis est un impertinent et la bergère Phyllis une impudente de parler de la sorte devant son père. Montrez-moi ce papier. Où sont donc les paroles que vous avez dites? Il n'y a là que de la musique écrite. Est-ce que vous ne savez pas, monsieur, qu'on a trouvé depuis peu l'invention d'écrire les paroles, avec les notes même? Fort bien. Je suis votre serviteur, monsieur. Jusqu'au revoir. Nous nous serions bien passés de votre impertinent d'opéra. J'ai cru vous divertir. Les sottises ne divertissent point. Ah, voici ma femme.